Chapitre 29. Colère de messieurs Dormer, père et fils. Quand Geneviève entra chez elle, elle voulut brûler la lettre de Georges, de peur qu'elle ne tombât entre les mains de son oncle ou de quelque personne malveillante. Elle la chercha, mais elle ne la trouva pas. Après avoir cherché partout, elle eut la pensée que mademoiselle Primrose l'avait peut-être aperçue et emportée. Elle entra chez sa cousine, qui n'y était pas. Pélagie lui dit qu'elle était sortie depuis longtemps pour aller donner des nouvelles de Geneviève au Saint-Aimard, qui en était toujours fort occupée et qui était venue tous les jours pour savoir comment elle allait. Ce n'était donc pas mademoiselle Primrose qui avait commis l'indiscrétion dont elle était du reste fort capable, ayant conservé l'habitude de lire les lettres que recevait son élève. Geneviève eut alors la pensée que Georges lui-même avait eu l'audace de venir chez elle et qu'ayant vu sa lettre laissée ouverte sur la table, il l'avait prudemment emportée pour la brûler. Geneviève n'y pensa donc plus et ne s'en inquiéta pas. Elle demanda à Pélagie et à Ram de ne pas parler à mademoiselle Primrose de la lettre de Georges, ni de la réponse qu'elle y avait faite. Elle prévint aussi ses fidèles amis qu'elle demanderait à mademoiselle Primrose de retourner à Paris le plus tôt possible, sous prétexte de changer d'air pour achever de se remettre. Et surtout, mes bons amis, préparez tout sans qu'on le sache dans le château, pour m'éviter une entrevue avec mon oncle. Je n'aurai pas la force de la supporter. » Pélagie et Ram lui promirent que personne n'en saurait rien. Quand mademoiselle Primrose entra, elle était si fatiguée qu'elle se jeta dans un fauteuil et demanda un verre de vin et des biscuits pour se remonter. Geneviève. « Ma bonne cousine, pendant votre absence, je me suis demandé ce que nous faisions ici. Nous y sommes prisonnières, nous en sortir, de crainte de nous rencontrer avec mon oncle et son fils, ne voyant personne, mangeant chez nous comme des recluses, osant à peine prendre l'air à nos fenêtres, de peur d'être aperçus. Je sens pourtant que j'ai besoin d'air et de mouvement, et surtout, j'éprouve le vif désir de quitter cette maison, de changer d'air. Si nous pouvions retourner chez nous à Paris, je me sentirais soulagée d'un poids qui m'oppresse, je respirerais plus librement. » Mademoiselle Primrose. « Que je suis contente de ce que tu me dis, ma chère enfant. J'attendais pour te parler de départ que tu fusses en état de supporter un déplacement. Puisque tu partages mon désir de quitter cet horrible château pour n'y jamais revenir, nous partirons dès que tu voudras. » Geneviève. « Demain, ma cousine, demain, d'autant plus que je sais par Ram que demain mon oncle et son fils vont dîner chez les Saint-Aimard. » Mademoiselle Primrose. « Très bien, mon enfant, très bien. Commençons nos préparatifs. Pélagie fera nos mal. Je vais envoyer Ram chez M. Bourdon pour payer ses visites. Il passera chez le pharmacien, chez tous les marchands auxquels on peut devoir quelques petites notes. Il commandera un omnibus pour demain 6 heures, et nous partirons par le train de 7 heures, pendant que les Dormer seront absents. » Tout fut fait comme l'avait dit mademoiselle Primrose. Le lendemain, M. Dormer et Georges montèrent en voiture à 5 heures. À 6 heures bien précises, l'omnibus arriva, toutes les malles furent descendues. Elles avaient été achevées par Pélagie dans l'après-midi même. Ram et le cocher les chargèrent sur l'omnibus. Mademoiselle Primrose descendit, soutenant Geneviève, qui était encore d'une grande faiblesse. Elles firent leur largesse aux domestiques de M. Dormer, qui témoignèrent beaucoup de regrets de les voir partir et qui dirent chacun leur phrase pour indiquer qu'ils savaient que mademoiselle Geneviève avait souffert, qu'on avait été bien mal pour elle, qu'une personne comme il faut ne pouvait s'accommoder de la société d'un homme comme M. Georges, qu'il finirait mal, que M. Dormer regretterait un jour sa faiblesse, etc. Mademoiselle Primrose profita de l'occasion pour lancer quelques propos significatifs pour M. Dormer, qui était plus imbécile que méchant, sur Georges, qui finirait ses jours au bagne, qui déshonorerait son nom, etc. Elle céda enfin aux insistances réitérées de Geneviève, et monta en omnibus avec Pélagie, Azéma et Ram. À 9 heures, elles étaient arrivées chez elles, et Geneviève, moins fatiguée qu'on ne pouvait le craindre, était à 10 heures installée dans sa chambre et couchée. Le soir de ce même jour, quand M. Dormer rentra avec Georges, son valet de chambre s'empressa de lui dire « Monsieur ne sait pas ce qui s'est passé en son absence, M. Dormer. » « Non, quoi donc ?» Julien. Ces dames sont parties 1 heure après monsieur. Monsieur Dormer. Parti? Ce n'est pas possible. Julien. C'est pourtant bien vrai, monsieur. À 6 heures, un omnibus du chemin de fer est venu emporter les malles, qui étaient faites d'avance sans que personne s'en fût douté. Ces dames nous ont fait leurs adieux, elles sont montées en omnibus avec les femmes et rames, et elles sont parties. Mademoiselle Geneviève était si pâle, si maigre, elle paraissait si faible que nous en étions bouleversés. Monsieur sait combien nous lui sommes tous attachés. Elle est si bonne, si douce, si aimable. Ces dames ont été très généreuses. Elles ont largement payé des services que nous étions trop heureux de leur rendre. Julien aurait pu parler longtemps encore sans que Monsieur Dormer ni Georges songeassent à l'interrompre. Ils étaient atterrés par ce départ si imprévu. Monsieur Dormer avait sincèrement désiré voir sa nièce pour lui exprimer son chagrin de son injuste accusation et du mal qu'il lui avait fait. Georges voyait la fortune de Geneviève lui échapper définitivement. Malgré la lettre si froidement méprisante qu'il en avait reçue la veille, il espérait encore la ramener à lui et la forcer à l'épouser avec l'aide de son père. Quand Julien fut sorti, ce fut Georges qui parla le premier. « C'est un tour de la cousine Primrose, » dit-il avec emportement. « Vous ne pouvez pas supporter cela, mon père. Comme tuteur, vous avez le droit de garder votre pupille et vous devez en user. » Monsieur Dormer. « T'oublies, Georges, qu'elle a 18 ans et que j'ai perdu mes droits par l'abandon que j'en ai fait à ma cousine Primrose, ensuite par l'injure que je viens de lui faire au moment de cette scène. Elle a un subrogé tuteur auquel elle s'adresserait pour m'échapper. » Et toute cette affaire serait naturellement portée devant les tribunaux. Rappelle-toi aussi que Mademoiselle Primrose est là, qu'elle nous hait et qu'elle pousserait les choses de toute la puissance de sa haine. Elle ne pardonne pas celle-là. Georges. Les misérables, comme elles nous ont joué. Et cette Geneviève, ce prétendu agneau qui prend part à une pareille action. Monsieur Dormer. Le chagrin te rend injuste, mon ami. Que vois-tu de coupable, de mauvais dans ce départ? Georges. C'est une inconvenance, une impertinence vis-à-vis de vous, mon père. Monsieur Dormer. Inconvenance, oui. Impertinence, non. Julien entra. Voici une lettre à l'adresse de monsieur que je viens de trouver sur la table de Mademoiselle Primrose. Monsieur Dormer lut ce qui suit. Monsieur. Geneviève me demande de l'emmener. Elle redoute beaucoup une entrevue qui ne peut plus lui être évitée. Dans son état de faiblesse, votre présence pourrait lui occasionner une rechute qui serait mortelle. Je l'emmène donc avec bonheur, heureuse de quitter votre toit inhospitalier. Je vous salue, Cunégonde Primrose. Une seconde petite lettre était de Geneviève. Mon oncle, pardonnez-moi de vous quitter sans vous avoir vu. Je sens que je n'aurai pas la force de supporter votre présence. La scène terrible qui m'a mise si près de la mort est encore trop récente pour que l'impression en soit effacée. Permettez-moi de vous dire, mon oncle, qu'en vous quittant, je n'emporte aucun ressentiment et que je vous pardonne du fond du cœur de tout ce qui s'est passé. Votre nièce respectueuse, Geneviève. Monsieur Dormer donna à Georges les deux lettres et se retira dans sa chambre sans prononcer une parole. Georges s'en alla aussi dans sa chambre, furieux contre Geneviève, contre Mademoiselle Primrose, contre son père qu'il trouvait faible et absurde. Il n'a jamais su se conduire, ni conduire les autres. Avec moi, jadis, il s'est comporté comme un enfant, ajoutant foi à tout ce que je lui disais. Et pourtant, il savait que je mentais. Au lieu de me punir, de me fouetter au besoin, il m'excusait, me soutenait, il m'embrassait. C'est stupide. Aussi, je ne l'aime ni ne le respecte. Je n'aime pas cette petite Geneviève, mais je dois convenir que mon père a toujours été très mal pour elle. Dernièrement encore, cette scène était absurde. Il accuse son cher âme sans savoir pourquoi. C'était bête, c'était sot. À quoi pouvaient servir au nègre ces 10 000 francs? Et lorsque dans son épouvante pour moi, car c'était pour moi qu'elle résistait, elle a l'imprudence de lui parler de l'honneur de sa maison. Il ne devine pas que c'est moi qui suis le premier de sa maison. Rame eût été plus fin. Il a tout perdu par cette sotte accusation. Il me fait manquer une fortune superbe, mais il me le paiera. Je ferai si bien rouler ses écus que je serai vengé de l'éducation absurde qu'il m'a donnée. » Georges continua longtemps encore à former des projets de vengeance contre son père. Et pour commencer, il résolut de s'en aller aussi dès qu'il le pourrait et de courir l'Allemagne.